Bonjour, je ne suis pas là pour l'instant. Vous pouvez me laisser un message après le bip sonore. Je me lève seul ce matin, je vais bien. Pas d'angoisse et pas de chagrin, je vais bien. Ah ouais, j'ai pas froid, j'ai même un peu faim, je vais bien. Même si je n'ai pas tes seins dans les mains, je vais bien, je vais bien, je vais bien, je vais bien. Je me lève seul ce matin, je vais bien. J'ai pas pleuré, pas crié, rien, je vais bien. Ah ouais, je t'avais dit que ça me ferait rien, je vais bien, je vais bien. Je le savais, j'en étais certain, allez bien, je vais très bien, je vais très bien. Oh, oh, oh. À part que le jour se lève et que de toi je rêve, je vais bien. Oh, oh, oh. À part que la nuit s'achève et qu'une nuit sans toi, c'est comme si j'avais rien, je ne peux plus te voir. Je ne veux pas te dire que je t'aime, je ne veux pas te serrer contre moi tous les soirs. C'est vraiment pas la peine, je voudrais te voir. Je voudrais te dire que je t'aime, je voudrais te serrer contre moi tous les soirs. Je vais très bien, je vais très bien. Oh, oh, oh. À part que le jour se lève et que de toi je rêve, je vais bien. Oh, oh, oh. À part que la nuit s'achève et qu'une nuit sans toi, c'est comme si j'avais rien. Je vais bien, pas d'angoisse et pas de chagrin, je vais bien. Ah ouais, j'ai pas froid, j'ai même un peu faim, je vais bien, même si je n'ai pas tes seins dans les mains, je vais très bien, je vais très bien. Oh, oh, à part que le jour se lève et que de toi je rêve, je vais bien. Oh, avec une nuit sans toi, c'est comme si j'avais rien. C'est comme si j'avais rien. C'est comme si j'avais rien. C'est comme si j'avais rien. Ne t'inquiète pas, tout va bien. J'ai juste peur que mon cœur s'éteigne. Ne t'inquiète pas, tout va très très bien. J'ai juste un peu peur du lendemain.